91.6. 91.6. Espérance FM, la voix de l'espérance. Il est 13h. Restez connectés. Restez connectés. Espérance.fm. Bon appétit. Retrouvez-nous sur internet www.espérance.fm. Un jour spécial avec Dieu. Espérance FM. Espérance FM. Plus proche de vous. Merci de nous recevoir chez vous. Jésus-Christ, le seul espoir. Espérance FM. Espérance FM, la voie qui t'emmène à Jésus. Le trouver, c'est l'espérance. Vous êtes sur Espérance FM. Espérance FM. Je like. Espérance FM. À votre portée. Voici votre émission, Les Sentiers du Bonheur. Chers amis auditeurs, bonjour. Faire vacances en famille, ça y est, elles sont là, les grandes vacances. Cette soupape de décompression qui, chaque année, permet aux uns et aux autres un dégazage en règle. Mais si décompression il y a, il appartient à chaque capitaine de sa vie de ne pas dégazer comme ces bateaux ou supertankers qui, par leur dégazage tout feu tout flamme, polluent la mer, notre mer à tous, ces plages de sable fin et de sable.